dans une ruelle de Moscou. Hier soir encore, damsel et liberté traînassaient dans ses pensées. Mais un vieux pirate qui brûlait des livres samedi soir a révélé sa flamme à cette demoiselle. Elle ose dire liberté, liberté, je vous dirai bien que tout a changé, que les brûleurs d'idées sont encore au passé, qu'il n'y a plus de dents à serrer pour les raconteurs de réalité. Mesdemoiselles et messieurs, vous savez bien que vous avez rêvé. La perestroïka, on accordait l'histoire au passé, que le vent de l'Ouest avait amené un brin de liberté. Et pourtant ce samedi-là, il y avait le vieux pirate venu brûler des livres à la santé d'Anna. Cette belle femme, elle avait osé jeter une lente symphonie qui nous disait Tché-tché-tché Nietzsche, yeah, yeah. Tché-tché-tché Nietzsche, yeah, yeah. Tché-tché-tché Nietzsche, yeah, yeah. Mesdemoiselles et messieurs, et rien n'a vraiment changé. On trouve encore des corps crevés dans les ascenseurs de liberté. Mesdemoiselles et messieurs, l'histoire s'est répétée, une fois encore, au vermeil de la Volga, a coulé sous les ponts, même après la perestroïka, même après la perestroïka, les idées ont une odeur, celle d'une fleur fanée aux tristes couleurs, d'une vermeille, d'une vermeille. Les dents acérées révèlent encore la flamme au raconteur de réalité. Mesdemoiselles et messieurs, je lève mon verre à la santé d'Anna Politkovskaya et je crie liberté. Et je crie liberté.